Le lendemain, j'y vole sur les ailes du désir. Elle m'avait demandé quelques arriettes nouvelles. Je les lui portai. Elle était au lit. Une femme de chambre ouvre ses rideaux, je parais. Un fauteuil placé à côté d'elle me tendait les bras. J'aime bien mieux m'appuyer contre une console qui me tient de niveau. « Où es-tu ?» dit Vincarache. « Prête-moi tes crayons pour esquisser cet enfant. » Un bonnet à la paysanne couvre sa tête à moitié. Ses traits n'ont aucune proportion. Ce sont de noirs yeux superbes, la plus jolie bouche, un nez retroussé, un front trop petit, mais ombragé délicieusement. Deux ou trois petits signes noirs comme j'ai assassinent leur monde sans rémission. Son teint est moins très blanc qu'animé, mais le carmin le plus pur n'égale pas le vermeil de ses joues et de ses lèvres. Après quelques folies débitées de part et d'autre, je lui montre ma musique. Elle me prie de chanter. Je déployais toute la légèreté de ma voix, quand tout à coup un drap soulevé me découvre un sein de lys et de rose, et la cadence chevrotte. Je continue. Tantôt c'est un bras arrondi par l'amour, une cuisse fraîche rebondie, une jambe fine, un pied charmant, qui tour à tour se promène sur le lit et frappe tous mes sens. Je tremble, je ne sais plus ce que je chante. « Allons donc, » me dit la duchesse avec un sang-froid dont je ne la croyais pas capable. Je recommence, et le manège d'aller son train, mon sang bouillonne. Tous mes nerfs s'agacent et s'irritent. Je palpite, mon visage s'inonde de sueur. La méchante qui m'observe sourit, et cependant soupire. Un dernier bond la découvre tout entière, sacre bleu. Mes yeux font feu, je jette la musique, je fais sauter les boutons qui me gênent, je m'élance dans ses bras. Je crie, je mords, elle me le rend bien, et je ne quitte prise qu'après quatre reprises redoublées. La duchesse était évanouie. Cela commença à m'inquiéter. J'employai un spécifique qui ne m'a jamais manqué. J'ai la langue d'une volubilité incroyable. J'applique ma bouche sur le bouton de rose qui termine un joli globe. Un trémoussement presque subi me rassure sur son état. « Dieu !»« Oh Dieu !» me dit-elle en me sautant au cou. « Cher ami, tu l'as trouvé ?»« Et quoi ?» lui dis-je, tout étonné. « Hélas, un tempérament que l'on m'avait persuadé que je n'avais pas. » Et baisé d'entrée en jeu, et les pièces de mon habillement de couvrir le plancher. Enfin, nous nous trouvâmes, comme dit la précieuse ridicule, l'un vis-à-vis de l'autre. Je vous jure que ma petite duchesse n'était point de ces prudes qui craignent un homme absolument nu. Elle avait des doutes. Il fallut bien les éclaircir. Chaque situation nouvelle me découvrait de nouveaux charmes. C'est bien le corps le mieux fait. Charnu sans être grasse, svelte sans maigreur, une souplesse de rein qui ne demandait que de l'usage. Et parbleu, je lui en donnais de toutes les façons. J'aime bien foutre, mais comme le bon Dieu n'a pas voulu que nous trouvassions le mouvement perpétuel, il faut s'arrêter enfin, car ce jeu lasse plus qu'il n'ennuie. Or ma duchesse n'avait qu'un jargon, toujours le même, et comme j'avais ralenti son feu, ce n'était plus qu'un petit être fort plat, fort monotone. Que j'aime à voir sortir d'une bouche, c'est rien, que rend si précieux une femme enivrée de volupté. Qu'un mot placé à propos, c'est bien relever le prix d'une caresse et la rendre plus touchante. Ôter les préludes de la jouissance et les paroles magiques qui, faisant sortir de l'extase, aident si souvent à s'y replonger. L'ennui baille avec nous sur le sein de nos belles. L'amour fuit, les seins des plaisirs s'envolent, et l'on s'endort pour ne jamais se réveiller. Voilà des dégradations que j'éprouvais chez la duchesse pendant 15 jours. Nos commencements furent trop vifs et la satiété amena le dégoût. J'en étais là quand un soir, en entrant chez moi, on me remit un écrin et ce petit billet. Un instant me rendit votre amante, un instant a tout changé, mais j'ai monsieur de la reconnaissance de vos soins. Je vous prie de conserver cet écrin. Il vous représentera l'image d'une femme qui parut vous être chère et qui se reproche de n'avoir pas pu faire plus longtemps votre bonheur. Je vis sur le champ de quelle main partait ce billet. La duchesse était incapable de l'avoir dicté. J'y répondis. « Vos bienfaits, madame, ont droit de me toucher, si votre cœur a daigné apprécier le peu que je vaux. J'ai mis dans notre liaison des procédés dont l'énergie paraissait vous plaire. Je n'ai ni dépit ni colère. C'est bien assez pour moi d'avoir eu les honneurs du triomphe sans aspirer à ceux de la retraite. Depuis 8 jours, j'attendais vos ordres, et la preuve de mon respect est de ne les avoir pas prévenus. Votre portrait sera pour moi le gage de l'estime que vous accordez à mes talents. Puisse, madame, le fortuné mortel qui me remplace vous emporter de plus heureux. Vous m'aurez tous deux une obligation bien douce, celle de vous avoir mis dans le cas d'en sentir tout le prix. Mon successeur, homme d'esprit, n'a pu y tenir comme moi que peu de jours. Elle l'a remplacé par un prince. Et réellement, quant au moral, il se convenait, pour le physique, elle eût ses laquais. C'est le pain quotidien d'une duchesse. Mon billet écrit, j'ouvris l'écrin. J'y trouvais de fort beaux diamants et le portrait de la duchesse en baigneuse. Il était frappant. Je l'approchai machinalement de mes lèvres. Avouerai-je ma faiblesse? Je sacrifiai encore une fois à ce joli automate et mon caprice s'écoula avec la libation que je venais de répandre en son honneur. Je me rendis chez la Vitoconas. Elle était en possession de mes jours de congé. D'ailleurs, nous avons contracté une amitié commode. Oh, que cette femme-là gagne à être approfondie! Réellement, à la manière dont elle me reçut, la réception dura 2 grandes heures, je crus qu'elle ne me reconnaissait pas. Quand elle fut en état d'écouter, je lui racontai mon aventure. Le comte de Redon lui en avait dit quelque chose. La catastrophe lui plut, l'égaya, et nous en étions sur la chronique scandaleuse, quand on annonça Madame de Sombreval et une autre femme chez qui j'avais négligé de me faire présenter. Elle m'en fit la guerre avec chaleur. J'y répondis avec intérêt, et je demandai pour la forme une permission de faire ma cour, qui était tout accordée. La visite finie, la chère Vitoconas me dit « Mon ami, je vais te perdre encore. Voilà un dévolu jeté sur toi. Pour celui-là, c'est une trouvaille. Conduis-toi bien. Pousse-la, pousse. Ah, madame, vous savez comme je le pousse. Témoin, vous sentez le geste que je fis. » Elle prit au mot et le témoin fut en confrontation. Nous nous quittâmes. Ma chère marquise me souhaita bonne chance, et je courus me préparer à la ménager. Doré comme un calice, pimpé, cardé, musqué, je me rends chez madame. Le cercle était nombreux. Après les premiers compliments, une minute d'examen me mit au fait de l'assemblée. 8 ou 10 freluquets pirouettaient sur des talons rouges, vils adulateurs de la maîtresse de la maison, dont ils briguaient un regard. Ils honoraient de leurs airs penchés de quelques fades polissonneries et de ricanements pitoyables 12 de femmes, hardies dans leur maintien, impudentes dans leurs propos, et à ce que j'appris dans leur conduite. Mon instituteur était un monseigneur, à qui un bon évêché et 2 abbayes, affermées, 100 000 francs donnaient le privilège de prêcher la vertu chez les filles de la capitale ou chez les titrés de la cour, ce qui revient au même. Voyez-vous, me disait-il, cette grosse baronne. Son visage est enluminé, ses gros yeux ronds sont surmontés d'un sourcil noir, épais, dur, tulieux. C'est une maîtresse femme. Cocher, laquais, elle met tout sur les dents. Sans être mauvaise maîtresse, elle en change souvent, mais elle leur fait un sort. La semaine dernière, elle en a placé 2 aux Invalides. Elle prenait son mari quand elle ne trouvait personne. Elle a rendu le pauvre diable, il est fourbu, et au moment où je parle, il est aux Incurables. Quelle est cette grande blonde fade? Quoi, vous ne connaissez pas la comtesse de Milandon? Non, mais elle tourmente cruellement son éventail. Bon, qu'elle joue la mijaurée, mais foutre. Notez bien que c'est Monseigneur qui sacre, bien fou qui s'y fiera. Elle m'a donné, il y a 6 mois, une chaude pisse. Le m'en cuit encore. Voilà ce que c'est, Monseigneur, que de sortir de son diocèse, condon. Quelle est celle qui lui parle à l'oreille? La saute au corps, c'est l'auberge des gardes du roi. Elle deviendra gargote et gare à la vérole. J'allais en savoir davantage quand quelqu'un adressa la parole à Monseigneur, et la conversation devenant générale, notre aparté finit. Un de ces jolis individus, qui avec un minois de poupée, une voix grêle et un ton glapissant, juge, décide et tranche, tenait le dé. On en était au spectacle. Des auteurs furent sifflés, bernés ou loués d'une manière qui, je vous assure, devait peu leur importer. Enfin, l'on en vient à la musique. Madame m'apostrophe. Monsieur, ceci est de votre ressort. Je ne suis point musicien. Mon seul mérite est de bien écouter. Parbleu, mon cher, reprend le marquis de fière emphate. En ce cas-là, écoutez-moi, et vous vous rendrez à mon avis. Moi, je suis fait pour la musique. J'ai un tact à moi qui ne me trompe jamais, et il y aurait de la fatuité de tirer vanité d'un bienfait de la bonne nature. Qui diable s'est jamais vanté de ses oreilles? J'observais qu'en cela, le marquis était modeste. Or, je n'aime point ce Gluck. Il n'y a pas le mot pour rire dans sa musique. Pas un pauvre petit air qui aide à sabler gaiement son vin de champagne. Il faut décomposer cet homme-là pour y trouver 2 ou 3 phrases qui fassent un rondeau. Votre Piccini n'entend point l'harmonie, et sans l'air de ballet que danse Guimard, j'aurais sifflé son Roland de fond en comble. Monsieur n'aime point l'ouverture d'Iphigénie? Eh, mon cher, non, cela fait venir la chair de poule. Parlez-moi de celle du déserteur. Voilà ce que l'on appelle une ouverture. Cela se chante tout comme un pont neuf. Le floquet vous fait joliment un opéra. Je le soutiens contre vent et marée, et pardieu, je ne conçois pas comment ce parterre s'est avisé de le siffler, tandis que j'applaudissais du geste et de la voix. Ses basses font toujours un second dessus. Il est vrai que le violon dit la même chose, mais cela renforce l'harmonie. Ces animaux de danseurs prétendent que l'on ne saurait danser ces airs de ballet. Moi, je l'ai décidé de sautillant au dernier point. Il voudrait peut-être être du fourré, du voluptueux, oui, de l'ennuyeux. Ma passion à moi, c'est l'allegro. Monsieur le marquis oscillasse bien vite. Un sourire de Madame de et un peu d'embarras chez le marquis me démontrèrent qu'il pouvait bien être à se reposer. Largement départi finit la conversation. Je me retirai avant souper, mais Madame de trouva un moment pour me donner rendez-vous le lendemain à sa toilette. J'ai oublié de vous tracer sa figure. Madame de a 38 ans. Elle ne s'en cache pas. Assez blanche, elle a la peau d'une finesse et d'une égalité singulière. L'ovale qui forme son visage serait arrondi si elle avait plus d'embonpoint. Des yeux assez beaux disent sans minot de riz ce qu'elle veut exprimer. Sa bouche est bien, elle est grande, mais sa taille trop longue n'est pas assez marquée. Sa poitrine est trop serrée, sa gorge est petite, placée en femme de condition, c'est-à-dire un peu bas, mais ferme, et surtout d'une susceptibilité qui la fait tressaillir. Le bras et la main sont trop maigres, la jambe est bien, le pied charmant. Son discours en public est concis, serré et à prétention. Le roi lui a dit cela. Cette nouvelle vient de mesdames, les ministres sont ses amis. Elle leur donne quelquefois des leçons et toujours des conseils. Racontez-vous une affaire, elle en développe les ressorts secrets. Un mariage se fait-il? C'est elle qui a présenté l'épousé. Qui protège le jeune marié? Elle sait tout, pénètre tout, a tout vu, tout deviné. Elle met en avant sa faveur, offre sa protection à des audiences, un secrétaire, des bureaux, un taxateur, un trésorier et des gens d'affaires. Parbleu, tu feras fortune avec cette femelle-là. Tu attends des grâces, bientôt tu les distribueras. Je gage que tu vas me demander l'honneur de ma protection, à genoux, sacre Dieu. Et dépêchons-nous, je vais prendre possession de mon emploi, et je t'offre ma survivance. J'arrive chez Madame de. On me reçoit comme un homme attendu. La toilette se passe en galanterie de ma part, en défense de la sienne. Je fais tourner la tête aux femmes de chambre à force de contrôler. Elles finissent par rire, et leur maîtresse dérit de sa gravité. Enfin, nous restons seuls, foutre du cœur. Je crois que la timidité me gagne. Un sofa reçoit Madame de. Je me place à ses pieds. J'ai un grand fond de tendresse pour les sofas. En vérité, me dit-elle, je fais une démarche bien extraordinaire. Moi, je ne vois rien de si naturel. Je me croyais à l'abri de certaines faiblesses. Et le rang que je tiens? En vérité, madame, il est très favorable à certains arrangements. Mais qu'imaginerait-on? Que je vous adore et que je suis heureux de ne pas vous déplaire. J'ai des vues sur vous, mon cher ami. Mon bonheur sera de les remplir. Vous avez de l'esprit, du feu. Ah, madame, peut-on en manquer auprès de vous? Vous électriseriez la nature. Elle s'électrise, pardieu, son front se colore, ses yeux brillent, sa main tremble. Amour, amour, viens donc, petit bougre. Vous avez là un joli habit. Cette couleur m'a paru vous plaire, je la porterai longtemps. Bon Dieu, voilà des rubans d'une nouveauté. Et l'échelle se dénoue. Que faites-vous? Que faites-vous donc? Que diront mes femmes? Ah, madame, nous perdons un temps qui pourrait être bien mieux employé. Bon Dieu, si l'on entrait. Tant pis pour les curieux. Et main de trotter et bouche de s'appuyer sur un sein qui bondit sous les coups de langue. Ah, ah, dit-elle en changeant de note, petit démon, tu m'as vaincu. Les grands mots sont lâchés, mon Pégase est débridé, la ville rendue et ma charmante foutue. Mais c'est au second coup que je l'attends, je presse, je pousse, je lime, elle est, sacre Dieu, tortillée autour de moi comme un serpent. Il n'y a pas une ligne de perdu. Ah, ah, mon ami, le duc ne le fait pas mieux que toi. Le prince m'aurait raté là. L'ambassadeur ne m'a jamais fait décharger. Je crus, ou le diable m'emporte, qu'elle allait me passer toute la cour en revue. Quand nous nous fûmes bien convaincus que nous n'avions plus rien à nous faire, nous renouâmes conversation. Madame de abandonna ses terres de dignité que je lui avais toujours vues. J'étais amant heureux. Elle m'en accorda toutes les prérogatives. Comme je ne pouvais mieux faire ma cour qu'en l'entretenant de son crédit, je sus l'en faire parler. J'avais d'ailleurs mon intérêt à pénétrer ses secrets, ses ruses, son manège. Je ne perdais point de vue mon objet principal, mon cher argent. Mes connaissances devaient me guider dans les manœuvres qui pouvaient m'en faire tirer parti. Le premier moment d'une jouissance que je sais à mon gré rendre impétueuse et brillante avait étourdi mon adorable. Mais les femmes dévorées d'ambition sont insensibles au plaisir. La vanité, l'intrigue absorbent toutes leurs facultés. Sans cesse livrées à l'envie, à la haine, les poisons de l'une, les poignards de l'autre, écartent les amours. Je ne devais donc m'attendre qu'à une jouissance froide, inanimée. Je ne pouvais me flatter de la captiver par les sens, mais par ses propos. Je lui reconnus de la suffisance, beaucoup d'estime d'elle-même, une vanité sans bornes, par conséquent une imagination resserrée, point de vue où elles étaient courtes, aucun plan fixe. Dès lors, le mien fut formé de l'assujettir, de la maîtriser, de m'en servir pour ma fortune, ou de la planter là, si elle, 15 jours d'habitude, me suffirent pour réussir. Je sus faire goûter à Madame de mes projets. Elle adopta mes idées, en ne croyant suivre que les siennes. Son secret fut dans mes mains, sans que je la laissasse disposer du mien. Ce n'était pas tout. Elle faisait des affaires. Il fallait m'en rendre maître. Je n'avais qu'à vouloir. Tout me fut remis. Dès lors, je devins l'arbitre des traités. Je corrigeais le tarif. Non pas, comme vous pensez bien, pour diminuer. Mes honoraires ne furent point oubliés. Et ma patronne partageait en outre avec moi ce que ma conscience, assez commode, m'engageait à lui restituer. Trop sage pour me mettre au grand jour, j'avais prévu que tout cela finirait mal, que Madame de porterait la peine de ses exactions. Je ne voulus donc aucune place. Faire et ne point paraître, c'est l'adresse des gens habiles. Avant de vous conter la catastrophe, je vous dois 2 ou 3 aventures dignes d'être distinguées de la foule de celles qui sont passées sous mes yeux. L'abbé Ricano, connu de toute la terre, postulait depuis longtemps un bénéfice. Le sien était cependant bon, mais le cher abbé, doué de vertus prolifiques, faisait régulièrement 4 enfants tous les ans, et par principe de conscience, il payait les mois de nourrice avant d'enrichir la collection des enfants trouvés. On lui indiqua notre bureau. Il vint me voir, sa demande me parut simple, ses motifs excellents. Je lui demandai un mémoire bien circonstancié. Le lendemain, il me l'apporta et me tortilla un compliment pour m'offrir une bourse dont la maigre apparence fronça mon sourcil. « Ceci, monsieur, lui dis-je en la pesant, est pour les menus frais. » Étrennes de portiers, de valets de chambre, de maquereaux, de secrétaires, l'abbé tremblant n'osa me contredire. J'examinai le mémoire. J'y trouvai des difficultés. Il me pria d'appuyer, de porter des paroles. « En ce cas-là, l'abbé, vous prenez le bon parti. Vous voulez une abbaye de 12 000 livres de rente? Vous êtes de mes amis. 1 000 louis, elle est à vous. » Il se récrie. « Comment, monsieur? Mais c'est à rien. » « J'en suis fâché. » « Je ne puis rien faire pour vous. Vous me trompez, bras et jambes. » Je sonne. « Le ministre ne m'a-t-il pas demandé ?» La réponse est connue. Je prends mon chapeau, l'abbé me talonne. Je le mène mal. Il se fâche, je parle plus haut que lui, et je le menace d'informer le teneur de la feuille de sa conduite. Je marmotte lettre de cachet. Il se sauve, il court encore, et je garde la bourse, où je trouvais 100 misérables louis que le faquin imaginait devoir payer une femme comme Madame de... Quelques jours après, on m'annonce une très jolie femme. Mes yeux se dérident. Elle demandait pour son mari une lieutenance du roi achetée par 20 ans de service et des blessures. Vous croyez que la générosité va me parler? Parbleu. Vous ne vous trompez pas. Je débute par tous les signes qui pouvaient mieux lui marquer ma bienveillance. Elle fut d'abord timide. Elle s'apprivoisa, nous nous apprivoisâmes et devînmes si familiers en moins d'une heure que nous ne fîmes plus qu'une même chair. Comment tu l'as foutue? Non, je l'ai envoyé à quelque autre. Sacre Dieu, ne seras-tu jamais qu'un sot? C'est une des plus jolies remueuses que j'ai trouvées dans ma vie. Pour une provinciale, cette femme-là avait un vrai talent. Au moins, tu as fait son affaire sans lui demander de l'argent. Oh, cela c'était juste, et nous convînmes seulement qu'elle écrivait à son mari de déposer 10 000 livres chez un notaire qui les remettrait à vue du brevet. Pour elle, je lui offris une boîte d'or, dont un faquin, qui voulait des lettres de noblesse, m'avait fait présent le matin. Elle valait 25 louis. Vous voyez que je suis généreux. C'était plus que l'intérêt de son argent. Nos affaires allaient bien. Sous mon heureuse main, le cuivre devenait or. Madame de m'adorait. Elle couchait avec l'univers, mais j'étais le favori, car j'avais la bourse. Cependant, je sentais quelquefois des soulèvements de conscience. Elle m'en guérissait bien vite. Cela aurait pu tirer à conséquence pour sa cuisine. Je m'appliquais seulement à la mettre toujours en avant, à ne jamais paraître, afin de me laver les mains sur tous les événements. Bien m'en prie, voici le fait. Une femme jeune, riche, avait un amant. Beau début. Et quelle est la sotte qui n'en a qu'un? Un mari jaloux. Allons donc, quel conte! Foi d'homme d'honneur. Ces originaux-là sont rares, mais il y en a encore quelques-uns pour la conservation de l'espèce. Le susdit animal trouvait mauvais que sa femme couchât avec un représentant. Comme elle ne pouvait le supposer que fou, elle prit le sage parti de le faire enfermer. Elle vint me le proposer, et surtout d'éviter quelques petites formalités embarrassantes qui auraient pu retarder, même déranger, un projet aussi bien vu. Madame de la loua infiniment, d'autant plus qu'elle faisait bien les choses. Elle assurait à son mari 600 francs de pension et l'habillait très proprement. Je lui demandai quelques petites attestations faites par ses mains habiles qui ne rougissent pas plus que le papier qu'elle emploie, et nous fixâmes tous les frais à 10 000 écus. Assurément, c'était à grand marché. Enfin, 8 jours après, mon vilain fut enlevé sans bruit, coffré et écroué par ordre du gouvernement. Sa femme pleura, réclama, fit le diable à 4, mais de loin. Je lui rendis le service de lui faire imposer le silence, et elle n'eut pas de peine à le garder. Qui diable n'aurait pas cru cette affaire finie? Ce vieux coquin devait crever, au moins devenir fou. Il avait le diable au corps, il n'en fit rien. Certains magistrats, Monsieur L.N., lieutenant général de police, fit visiter la prison. Je ne l'avais pas mis du complot. Cet homme-là est du vieux temps. Il s'avise d'être vertueux, d'avoir dans le cœur cette humanité que les autres n'ont qu'à la bouche. Il compatit aux souffrances du coupable, mais il donnerait sa vie pour sauver celle d'un innocent. Il instruisit le ministre. Celui-ci, dans un moment d'indignation, peut-être de crainte, nomma Madame de, cria à la tromperie. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Je criais bien, moi. Elle fut sacrifiée, perdit sa place et courut ensevelir dans ses terres sa honte et nos amours. Vous croyez peut-être, mon cher, que je vais me pendre? Nenni, je vais compter mon argent. 20 000 écus en espèces sonnantes, des diamants, des bijoux. Ma foi, je suis fâché du sort de cette pauvre femme. Elle m'aurait valu beaucoup. Paierai-je mes dettes? Fille donc. Cela porte malheur. D'ailleurs, ces coquins d'usuriers s'imaginent-ils que je leur donnerai mon sang, ma plus pure substance à dévorer? Qu'ils attendent mon mariage ou mon testament? Pardieu, ces idées tristes ont abattu mon courage. Allons, allons, volons au Potosi, cherchons quelques mines nouvelles, et que l'or couronne mes ardeurs.